الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معنا اليوم الحديث الثالث من باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. Le troisième hadith du livre, ou bien du chapitre du Tayammum, Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été donné cinq choses qui n'ont pas été données à un des prophètes qui m'ont précédé. J'ai été secouru par la peur d'une distance de un mois. C'est-à-dire que les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouvaient donc à une distance de un mois de route, ils avaient peur de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et la terre a été rendu pour moi un endroit de prosternation, un endroit de prière et une purification. Donc n'importe quel homme de ma communauté, lorsque l'heure de la prière arrive, il peut prier. Et « uhillat li al-ghanaim », c'est-à-dire que le butin, ou bien les butins, donc après les combats, ont été rendus licites pour sa communauté. « Walam tahilla li ahadin qabli », et cela n'était pas licite pour les gens qui l'ont précédé. Et il m'a été donné al-shafa'a, l'intercession, et les prophètes étaient envoyés à leur peuple précisément. Et moi, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour tous les gens. هذا الحديث قد اشتمل على أمور كثيرة، ومن ضمن هذه الأمور قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأجل هذه الجملة أدرج المصنف الحديث في هذا الباب. هذا الحديث معروف عند العلماء بحديث الخصائص، بحديث الخصائص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا اختص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. وكما ذكرنا أكثر من مرة، عندما يذكر عدد في حديث من الأحاديث، هذا العدد لا مفهوم له. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا، أني لا يفهم الإنسان أنه لا يوجد أمور أني غير هذه الخمس أني اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جمعنا أحاديث أخرى لوجدنا أن العدد أكثر من خمسة. ونفس الكلام الذي ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الفطرة خمس، حديث أبي هريرة. وذكرنا أن يعني خصال الفطرة أكثر من ذلك. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لو جمعنا أحاديث أخرى لوجدنا أن هناك أكثر من هؤلاء السبع الذين سيكونون تحت ظل عرش الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هناك أسماء أخرى، فالعدد لا مفهوم له. يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وهذا يدل على فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نصره بالرعب مسيرة شهر. معنى ذلك أن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبهم الخوف والوجل والرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، يعني مسافة بعيدة، ومع ذلك الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرعب. وثبت في البخاري وغيره في حديث أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم عندما ذهب إلى الشام ويهيج ملك الروم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سفيان حينئذ مشركا ثم أسلم بعد الفتح. فهرقل أتى إليه أبو سفيان بمدينة إلياء وهي القدس، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا يدعو إلى الإسلام، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، إلى غير ذلك. فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، يعني الناس بدأوا يعني يكثرون الكلام، فارتفعت الأصوات وأخرجنا. يقول أبو سفيان: وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ابن أبي كبشة ولقب كانوا يعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخاف يخافه ملك بني الأصفر. يقول أبو سفيان: عندما أخرج من قصر هرقل، يعني سبب إخراجه أن هذا الرجل يعني يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الشام، هو في القدس ويخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما مسافة بعيدة. Donc ce hadith qui est hadith de Jabir ibn Abdullah, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 5 choses qui n'ont pas été données aux prophètes qui l'ont précédé. Comme on l'avait dit à plusieurs reprises, lorsqu'il y a un chiffre qui est cité dans un hadith, il ne faut pas comprendre que il n'y a pas autre chose que ces 5 choses-là. Parce qu'après la personne elle va trouver d'autres hadiths où il y a des choses propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va plus comprendre. Non, lorsque vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vous dit « Antaytu khamsan » لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ça empêche pas qu'il peut y avoir autre chose. C'est comme si moi je vous dis dans ma poche j'ai 5 euros. Et si j'en ai 10, j'en ai 5. Pareil. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il possède 99 noms, et il possède 99 noms, mais ça ne veut pas dire qu'il en possède pas plus. Lorsque l'on avait dit al-fitratu khams, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-fitratu khams, 5 choses font partie de la fitra, de la sunna. On avait vu qu'il y avait beaucoup plus que ces 5 choses. Donc ici c'est la même chose. On va citer à la fin d'autres choses qui n'ont pas été citées dans ce hadith. La première chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru en jetant la peur dans le cœur de ses ennemis alors qu'il se trouve à une distance d'un mois de route. Les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam le craignaient. Dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari il a donc donné un chapitre, il a dit bab qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nusirtu bir-ru'bi masirata shahr. Et ensuite il a cité le hadith où Abu Sufyan radiyallahu anhu, alors qu'il était encore associateur avant qu'il n'embrasse l'islam, il s'était rendu Al-Quds, à Jérusalem, pour justement donc remonter le chef des Romains contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait envoyé également un livre où il l'appelait Al-Islam, donc un écrit où il l'appelait Al-Islam, en lui disant Aslim taslam, yu'tika Allah subhanahu wa ta'ala ajraka marratayn. Le prophète lui demande d'embrasser l'islam afin donc qu'il se retrouve en sécurité et que s'il fait cela, il aura une récompense qui lui sera doublée. Donc lorsqu'il a lu le courrier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les gens ont commencé à parler, la cour de Héraqal ont commencé donc à élever leur voix donc en contestation de ce qu'ils avaient entendu. Et Abu Sufyan, il lui a été demandé de sortir. Et Abu Sufyan dit alors aux gens qui étaient avec lui, il nous a fait sortir car il a eu peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il se retrouvait à Jérusalem et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fi al-Hijaz. Donc ça c'est la première chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à sa communauté également. Et à sa communauté également. Mais à condition donc de se comporter comme se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi à l'heure actuelle les musulmans, plus personne n'a peur d'eux? Parce qu'ils se sont éloignés du Coran, ils se sont éloignés de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là à l'heure actuelle, c'est les musulmans qui ont peur de leur ennemi alors qu'ils sont encore dans leur pays. Donc si les musulmans ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils reviennent aux ordres divins, aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il les secourra comme il a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuha allatheena amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous, ô vous qui avez cru, si vous secourez donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous secourra et il affermira vos pas. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam dhakara al-ghaya yani fi ar-ru' fi ilqa' ar-ru' fi qulubi a'da'ihi بشهر لأنه لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من ذلك فلو كانت هناك مسافة يعني أكثر من شر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم donc le prophète sallam il a cité la distance d'un mois, il a cité la distance d'un mois car à son époque il n'y avait pas d'ennemi de l'islam plus loin que cette distance. Ça ne veut pas dire que si la personne se trouve plus loin qu'une distance d'un mois, elle n'a pas peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فكما قلنا من اجل هذه الجمله يعني ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب او في باب التيمم. وذكرنا في الدرس الماضي ان التيمم من خصائص هذه الأمة. الله عز وجل من فضله ومن كرمه لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لهم هذه الرخصة التي هي التيمم يعني إذا اجتمعت فيه شروط جوازه فلا يوجد التيمم في الأمم السابقة. الوضوء كان موجودا, الوضوء كان موجودا على الصحيح عند الأمم السابقة. ذكرنا أن حديث إبراهيم مع زوجته سارة عندما توضأت وصلت عندما أراد جبار من الجبابرة أن يستغلها. وذكرنا قصة جريج العابد عندما كسروا له سمعته فتوضأ وصلى. أما التيمم لا يوجد في الأمم السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من خصائص الذي اختص به صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء قبله وجعلت لي الأرض مسجدا. المراد بالمسجد هنا مكان سجود, مكان سجود يعني في اللغة العربية المسجد يسمى مكان سجود, المكان الذي تسجد فيه يسمى مسجدا. معنى ذلك أن المسلم يجوز له أن يصلي في أي مكان, المسلم ممكن له أن يصلي في أي مكان. أنت في عملك دخل وقت الصلاة قم فصلي, أنت في المطار قم فصلي, أنت في بيتك قم فصلي, في المسجد قم فصلي, في أي مكان يمكن لك أن تصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمفهوم ذلك أن الأمم قبل الإسلام كان من الواجب عليهم أن يسجدوا في معابدهم، مفهوم؟ فمثلا نصراني لا يصلي في أي مكان، لابد أن يذهب إلى كنيسة. يهودي لا يمكن أن يصلي في أي مكان، لابد أن يذهب إلى معبد اليهود. أما المسلمين الحمد لله الله عز وجل يعني فضلهم على غيرهم من الأمم، فأباح لهم السجود والصلاة في أي مكان. المسلم يمكن يصلي في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهناك استثناء لهذا العموم، فهناك يعني بعض الأماكن أماكن قليلة يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. حلش المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. مثلا لا يجوز له أن يصلي في المقبرة يعني سدا لذريعة الشرك. الإنسان قد يصلي في مقبرة فيظن الناس أنه يسجد لقبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم من سد هذا الباب تماما. والحمام وكذلك المراحيض لا يجوز الإنسان أن يصلي فيها، لأنه مكان يعني مساكن الشياطين، مساكن الشياطين والجن. وكذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي في مسجد فيه قبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا وجد الإنسان مسجدا دفن فيه رجل أو امرأة أو أكثر من ذلك لا يجوز له أن يصلي فيه، لأنه سبب للعنة. بالنسبة للصلاة في المقبرة يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، إذا فاتت للإنسان يجوز له أن يصلي في المقبرة. دل على ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قصة المرأة السوداء التي كانت تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة من الليالي توفيت هذه المرأة فغسلت وكفنت وصلي عليها، ولكن لم يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رفضوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا. ثم بعد أيام افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين هذه المرأة التي كانت تنظف المسجد؟ قالوا له إنها ماتت، إنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني، يعني ليش ما قلتوش لي أنها ماتت؟ دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على هذه المرأة وهي مدفونة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة لأصحابها، وإن الله تبارك وتعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. فمن فاتته صلاة الجنازة يجوز له أن يذهب إلى المقبرة فيصلي على الميت. Donc la deuxième chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que donc toute la terre a été rendue pour lui en droit de prosternation et purification. Donc toute la terre, il est permis à tout endroit, il est permis aux musulmans de faire la prière. Que tu sois à ton travail, que tu sois à l'aéroport, que tu sois sur la route, que tu sois n'importe où, le musulman, il lui permet de faire la prière. N'importe où, où il est. Contrairement aux nations qui étaient avant les musulmans, ils ne pouvaient prier que dans des endroits précis. Les chrétiens à l'église et les juifs dans les synagogues. C'est pour ça que le prophète donc il dit que ça fait parmi les choses qui sont spécifiques à lui et à sa communauté. Le musulman, alhamdulillah, il peut prier n'importe où. Il y a des gens à l'heure actuelle qui n'ont pas de mosquée dans leur ville. Il peut prier chez lui. Il peut prier au travail. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette facilité donc aux musulmans de pouvoir prier n'importe où ils sont. Et il y a quand même donc une petite exception à cela, donc quelques endroits, quelques endroits donc où il est interdit de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans Sunan al-Tirmidhi, toute la terre est un endroit de prosternation sauf le cimetière et le hammam, l'endroit donc où on se lave. Donc ces deux endroits là il ne faut pas prier dedans, et à plus forte raison les WC, car donc ce sont des endroits où sont présents les démons et les djinns. Et en ce qui concerne al-maqbara, tout cela donc saddan al-dhari'a, c'est-à-dire pour fermer la porte qui pourrait emmener à une adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que toi tu fasses la prière au cimetière pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'une personne te voit et qui pense que tu te prosternes devant une tombe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Ne priez pas en direction d'une tombe et ne vous asseyez pas dessus. Donc sinon il est permis de prier à n'importe quel endroit. Également, il est interdit de prier dans une mosquée où serait enterré quelqu'un. Donc il y a des mosquées qui malheureusement un peu partout dans le monde, il y a des gens qui enterrent des morts dans une mosquée. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara. Quand Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. Donc si la personne rentre dans une mosquée où une personne, où il y aurait donc une personne enterrée, il lui est interdit de prier à cet endroit-là et il faut qu'il trouve une autre mosquée. En ce qui concerne le cimetière, il y a une exception également, c'est une exception dans l'exception. Lorsque la personne a manqué la prière donc sur le mort, admettons que donc il y a une personne qui soit décédée, que la prière se soit faite soit fil musalla soit fil masjid, et que une personne ait manqué la prière, il lui est permis de se rendre au cimetière et de prier sur cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait une femme donc qui nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une nuit, cette femme-là est décédée. Donc les compagnons, radiyallahu anhum, ont lavé cette femme. Ils l'ont mis dans son linceul, ils ont prié sur elle et ils l'ont enterrée. Ils n'ont pas voulu déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le réveiller pour cela. Quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc n'a plus vu cette femme et il a demandé après elle. Ils lui ont dit donc qu'elle était morte telle nuit et nous n'avons pas voulu te réveiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: afala adantumuni, pourquoi vous ne m'avez pas informé de cela? Et le prophète a dit ensuite: dulluni ala qabriha, montrez-moi où est sa tombe. Ils lui ont montré où était sa tombe et il est parti faire la prière donc sur cette femme donc après qu'elle fut enterrée. Mais donc sinon, de manière générale, il est interdit de prier dans un cimetière. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض مسجد يمكن لك أن تصلي في أي مكان وطهورا، يعني يمكن أن تتطهر بالأرض، وهو ما يسمى بالصعيد الطيب. فكما قلنا كل ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من جنسها من التراب ومن الرمل ومن الأحجار إلى غير ذلك، يجوز لك أن تتيمم به عند فقدان الماء أو عند خشية الضرر باستعمال الماء. Donc le prophète il a dit que donc toute la terre est pour lui endroit de prosternation, endroit de prière, et purification. Donc il est permis à la personne donc, de faire at-tayammum. Donc ils appellent ça en français les ablutions sèches. Donc si vous ne trouvez pas d'eau, donc après bien sûr comme on a dit, ba'd at-talab, après avoir cherché de l'eau, la personne ne trouve pas d'eau pour faire ses ablutions. Et les autres cas, donc si la personne craint donc un mal en utilisant l'eau, comme une personne par exemple qui serait malade ou blessée. فأيما رجل رجل أدركت الصلاة فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني نتيجة للجملة الأولى. جعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. فأنت في أي مكان دخل وقت الصلاة لابد أن تصلي. وجدت ماء توضأ، لم تجد الماء تيمم، يعني بعد الطلب و يعني غلبت ظني عدم وجدانه يعني في الوقت، فعندئذ يجوز لك أن تتيمم فتصلي، ولا يلزمك أن تنتظر، يعني غلبت الظن شخص في مكان ما كاينش الماء، كاين ما يسمى بغلبة الظن، يعني مثلا انت باقي غادي يعني مدة صلي، باقي غادي مدة يعني تعرف ما كاينش الماء يعني في الطريق صلي، ولكن الان ما وجدت الماء ولكن عرفت بعد نص ساعه تكون في الدار اش دير؟ ها تنتظر تنتظر حتى تتوضا. فانسان يعني يبني على غلبة الظن. Donc le prophète dit ensuite, donc toute personne de ma communauté, donc qui, dont l'heure de la prière arrive, qu'il fasse la prière. Donc du fait que toute la terre a été rendue en droit de prosternation, en droit de prière et purification, donc toute personne de sa communauté, donc sur qui l'heure de la prière arrive, il faut qu'il fasse la prière. Du fait que donc il peut faire la prière à tout endroit. Et que même s'il n'a pas d'eau, il peut faire at-tayammum. En ce qui concerne at-tayammum, donc on avait cité cela la semaine, vendredi, il faut obligatoirement donc chercher de l'eau. Il ne suffit pas de ne pas avoir d'eau autour de soi pour faire at-tayammum. On avait cité l'exemple d'une personne qui aurait une coupure d'eau chez lui. Une coupure d'eau, ça ne permet pas de faire at-tayammum. Tu as peut-être de l'eau dans le frigo, tu as peut-être de l'eau chez ton voisin, tu peux même aller en acheter. Donc il faut forcément rechercher l'eau. Mais admettons que la personne, même après une recherche, elle ne trouve pas d'eau, à ce moment-là, elle fait at-tayammum. Ensuite, la personne, également, il faut qu'elle s'imagine, est-ce qu'elle va trouver de l'eau dans un futur proche. Peut-être que là, il n'y a pas d'eau, mais tu sais que dans peu de temps, l'eau va revenir, ou bien dans peu de temps tu te rendras à un endroit où il y aura de l'eau, à ce moment-là tu attends et tu feras la prière là-bas. Il faut hein avant le temps par exemple le temps du dhuhr je n'ai pas de l'eau mais quand on arrive à une heure on va arriver à un endroit où il y a de l'eau, on attend parce que le temps reste. Donc si on par exemple on est à un endroit où il n'y a pas d'eau mais on sait que dans une demi-heure par exemple on sera à un deuxième endroit où il risque d'y avoir de l'eau, à ce moment-là, on attend pour faire les ablutions. Mais admettons que il n'y a pas d'eau et on ne sait pas si on va trouver de l'eau ou pas, à ce moment-là, on peut faire la prière en se basant donc sur la chose qui nous paraît la plus forte. Est-ce qu'il y aura de l'eau ou bien est-ce qu'il n'y en aura pas ? لا وقت خروج خروج الوقت هذا هو مثلا ما بين الظهر والعصر طيب اخر وقت الظهر هو العصر شكل الوقت ها حسب ما يمكنش نقول لك انا في الصيف تكون اطول في الشتاء يكون اقصر مثلا قبل العصر قبل العصر بالنسبه للظهر يعني ساعتين يعني كتاب الوقت أوقات الصلاة. بالنسبة لصلاة الصبح يعني إلى طلوع الشمس، بالنسبة للظهر إلى أذان العصر، بالنسبة للعصر يعني إلى غروب الشمس، وبالنسبة للمغرب إلى العشاء، وبالنسبة للعشاء إلى منتصف الليل. ثم قال: وأحلت لي الغنائم. فهذا كذلك من خصائص هذه الأمة، فالأمم السابقة لم تكون الغنائم حلالا له، فمنهم من كان لا يجوز أصلا أن يجاهد. من الأمم السابقة لم يكن الغزو يعني مشروعا له، ومن الأمم السابقة من كان الجهاد مشروعا لهم، ولكن كان لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الغنائم. كانوا إذا يعني تغلبوا على قوم مثلا وأصابوا يعني شيئا من أمتعتهم، جمعوا ذلك كله، جمعوا الغنيمة كلها، ثم كان الله سبحانه وتعالى يرسل نارا تأكل الغنيمة. فلما جاء الإسلام أباح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من الغنائم، بل الله عز وجل أنزل سورة كاملة يعني باسم الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا يعني هذا النبي، فدنا من القرية صلاة العصر، وصل القرية التي يريدها لغزوها عند صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور. الإشكال أنه يعني كان صلاة العصر يوم الجمعة، شنو المشكل؟ ها؟ سيدخل عليه السبت، وبنو إسرائيل يعني لا يجوز لهم أن يقاتلوا يوم السبت. فخاطب الشمس فقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، وفتح هذه القرية ثم جمع الغنائم، فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها. جاءت النار ولكن ما أكلت، لم تأكل الغنيمة. علاش؟ كان وعد يعني أخذ من الغنيمة، هذا يسمى بالغلول. فقال: إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. هذا الذي كانوا يصنعونه بالغنيمة في بني إسرائيل. وهذا النبي هو يشع ابن نوح، والذي فتح بيت المقدس بعد موسى. موسى عليه السلام عندما يعني أبى قومه أن يدخلوا يعني البيت المقدس، قالوا إن فيها يعني نعم إن فيها يعني قوما جبارين، فقالوا: اذهب أنت وربك، إنها هنا قاعد. فالله عز وجل عاقبهم بما يسمى بالتي، ف يعني يكونون في مكان ويتيهون فيه، فيذهبون ولا يصل لا يصلون إلى مكان. 40 سنة يتيهون في الأرض. ثم في التي مات موسى، ثم مات هارون، ثم يعني أصبح يوشع ابن نون نبيا لبني إسرائيل، والذي فتح بيت المقدس. ومن الشاهد الذي يهمنا أن الغنائم هي من خصائص الأمة الإسلامية. Donc la quatrième chose qu'a cité le prophète صلى الله عليه وسلم, ou bien la troisième chose plutôt, il dit que le butin m'a été rendu licite et cela n'était pas permis donc aux nations qui m'ont précédé. Donc lorsqu'il y avait une bataille entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses ennemis, donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le dessus sur ses ennemis, il réunissait leurs biens et cela s'appelait le butin. Et donc il est permis aux musulmans donc de tirer profit donc de ce qu'ils ont pu récupérer donc après la bataille. Et donc cela est une chose propre à l'islam et aux musulmans. Avant l'islam, donc il y avait des nations qui n'avaient même pas le droit de combattre. Il y en a d'autres qui avaient le droit de combattre mais qui n'avaient pas le droit de profiter du butin. Admettons qu'il y avait un butin gagné après une bataille, ils le réunissaient et c'est alors qu'un feu arrivait et brûlait tout le butin. Donc il est cité dans le Bukhari et au Muslim, selon Abu Huraira, il nous dit que un prophète parmi les prophètes donc a envahi donc un village, donc pour les appeler à l'islam. Et donc il est arrivé à ce village à l'heure de la prière de l'Asr, le jour du vendredi. Donc c'était un prophète parmi les prophètes des enfants d'Israël, c'est Yusha ibn Nun. Et donc il a alors dit au soleil, innaki ma'mura wa ana ma'mur, c'est-à-dire tu as des ordres et j'ai les miens. Allahumma ahbisha alayna, oh Allah, bloque pour nous le soleil afin que nous puissions conquérir ce village avant que le soleil se couche et que l'on rentre dans le samedi. Donc Allah Azza wa Jal donc a donc stoppé le soleil pour son prophète Yusha ibn Nun. Ensuite donc ils ont pris le dessus donc sur ce village. Ils ont réuni ensuite le butin et le feu est arrivé mais n'a pas brûlé le butin. C'est alors que Yusha ibn Nun il a dit inna fikum ghalulan, il y a parmi vous une personne qui a dérobé du butin. Le fait que si le butin était entier, le feu l'aurait brûlé. Donc jusqu'à ce qu'une personne donc rapporte alors une tête de vache en or qu'il a posée avec le reste du butin, c'est alors que le feu est venu et a brûlé tout le butin. Donc Yusha ibn Nun, c'est le prophète des enfants d'Israël après Moussa et après Harun. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a demandé aux enfants d'Israël de rentrer à Jérusalem, comme cela est dit dans la sourate Al-Ma'ida, et qu'ils ont voulu, ils ont refusé de rentrer en disant inna fiha qawman jabbarin, il y a des géants dans ce village, nous ne pouvons pas rentrer. Idhab anta wa rabbuka, va toi et ton Seigneur et combattez, nous restons ici. Allah Azza wa Jal donc les a punis par ce que l'on appelle atti pendant une durée de 40 ans. Pendant une durée de 40 ans, ils étaient perdus sur la terre. Ils avançaient, ils n'arrivaient nulle part. Pendant cette période-là, Moussa alayhi salam est mort. Ensuite, Harun est mort et Yusha ibn Nun est devenu donc le prophète de Banu Israël et c'est lui donc qui a conquis le Beit al-Maqdis. Donc ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est que donc il réunissait le butin jusqu'à ce que donc un feu vienne brûler tout le butin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed et sa communauté, le butin leur a été rendu licite. Allah Azza wa Jalla a même fait descendre une sourate entière qui s'appelle Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil Al-Anfal, il te questionne au sujet de Al-Anfal, qul Al-Anfalu lillahi war rasul. وأعطيت الشفاعة. هذا كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالشفاعة هنا هي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود. فلو قلنا أنها غير ذلك لاشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, هناك الشفاعة العظمى التي تكون لتعجيل الحساب لأهل الموقف. الله عز وجل يجمع الناس كلهم ويبعثهم من قبورهم من أولهم إلى آخرهم حفاة عراة غرلة, وتدنو منهم الشمس حتى يكون قريبة, تكون قريبة منهم قدر ميل, قدر ميل من رؤوس العباد. فالناس هم في كرب وفي شدة فيذهبون إلى الأنبياء حتى يشفعوا عند الله تبارك وتعالى لتعجيل الحساب. يذهبون إلى آدم عليه السلام, ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام, ثم إلى إبراهيم, ثم إلى موسى, ثم إلى عيسى, يعني وكل واحد من هؤلاء يعتذر ويقول إني لست لها, يعني حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أنا لها أنا لها, فيخر تحت العرش ساجدا ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يعني تفتح عليه. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يعني تسمع واشفع تشفع. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويبدأ الحساب, فيسمى بالمقام المحمود. يعني الناس في هذا الموقف يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كلهم المسلم وغير المسلمين. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم, شفاعته في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة, كذلك من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شفاعته في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها, وهم طبعا من أهل التوحيد. كذلك في رفع درجات من يدخل الجنة, فشخص يدخل الجنة ويصيب درجة فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع له حتى يعني يرتقي ويرتفع في درجات الجنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام حتى يدخلوا الجنة بغير حساب. وكذلك يشفع في أهل الكبائر, الكبائر يعني ماتوا على كبائرهم يعني حتى يخرجوا من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله تبارك وتعالى. كذلك سيشفع لعمه وإن كان غير مسلم حتى يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, الله عز وجل يعني سمح له أن يشفع لعمه أبي طالب وإن كان مشركا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشفاعة ليست لي يعني غفرانه ولا لإدخاله الجنة, لا ولتخفيف عذابه في جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعلان من نار يغلي منهما دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه يوم القيامة. Donc le prophète sallam ensuite il dit, donc il m'a également été donné l'intercession, ce que l'on appelle en arabe al-shafa'a, c'est-à-dire que le prophète sallam donc il intercède pour certaines personnes yawm al-qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour que cela leur soit bénéfique. La plus grande des intercessions qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle al-shafa'atul uzma, la grande intercession. Donc Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyama, il réunira tous les hommes, du premier jusqu'au dernier. Ils seront nus, nu-pieds et non circoncis. Et le soleil donc s'approchera de leur tête. D'une distance très, très petite, une distance d'un mille. Et donc les gens seront dans un jour terrible et très difficile pour eux. Et donc ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala d'être jugés. Donc le jour sera tellement dur pour eux qu'ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette fin à ce jour. Wa yawm kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour de 50 000 ans. Et donc ils se rendront vers les prophètes afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils commenceront par Adam alayhi salam, puis Nuh, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Isa alayhi salam, et chacun d'entre eux dira inni lastu la, donc cette intercession n'est pas pour moi, je ne peux pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithla. Allah Azza wa Jal aujourd'hui il est en colère, d'une colère sans précédent. وَلَنْ يَغْضِبَ بَعْدَهُ مِثْلَ. Et ne sera jamais en colère de la même manière donc qu'il l'est aujourd'hui. Et donc jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dira أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا. Cette intercession est pour moi. Et donc il se prosternera sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il glorifiera Allah, il le louera donc jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ya Muhammad ya fara'sak, oh Muhammad, lève ta tête wa qul tusma', donc parle, tu seras entendu, wa sal tu'ta, demande et te sera donné, wa shfa' tu shfa', c'est-à-dire intercède, donc ton intercession sera acceptée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ensuite donc commencera à juger les gens. Donc c'est ce qu'on appelle al maqam al mahmoud. C'est ce que la personne donc demande à Allah de donner à son prophète après l'adhan. Wa ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Donc le maqam al-mahmoud qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dans sourate al-Isra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il possède plusieurs intercessions. Certaines intercessions sont propres à lui sallallahu alayhi wa sallam. D'autres intercessions sont pour lui et pour les pieux de sa communauté. Même les anges intercéderont et les autres prophètes. Donc en ce qui concerne le shafa' al-uzma, c'est seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les choses qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession pour son oncle Abu Talib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intercédera pour lui afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui allège son châtiment. Le prophète dit qu'il est donc dans fi dahdahin min an-nar, il est dans un bassin de feu. Wa lahu na'lani min nar, il possède également deux souliers enflammés. Yaghli minhuma dimaru, c'est-à-dire son cerveau bout de la chaleur dans laquelle il est. Il dit ensuite wa law la ana lakana fi ad-darak al-asfali min an-nar. Sans moi, il serait au fond de l'enfer. Wa Abu Talib wa yani aqallu ahli an-nar 'adaban. Celui qui a le plus petit châtiment, Abu Talib. Et malgré cela, regardez comment il est son châtiment, il est dans le feu et sa cervelle est en ébullition. Sallallahu salama wa alafia. Et donc il y a d'autres intercessions, donc des intercessions donc pour les gens du paradis pour élever leur degré, intercession pour des gens qui méritent de rentrer en enfer afin qu'ils n'y rentrent pas, des gens qui également qui auront le même nombre de hasanat, de sayyiat afin qu'ils rentrent au paradis. Donc cette intercession là vous trouverez dans les livres de qui parlent de l'aqida, parmi cela kitab l'aqida al-tahawiyya et d'autres. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. هذا كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الانبياء قبل ذلك يبعثون إلى أقوامهم خاصة. فكانوا يبعثون إلى بني إسرائيل فقط. كانوا يبعثون إلى بني إسرائيل. فلن تكون دعوتهم يعني شاملة للأمم كلها. مفهوم؟ فإذا بعث مثلا نبي في بني إسرائيل مثلا في فلسطين يعني دعوتهم لا تشمل جزيرة العرب ولا تشمل الروم، فكانت يعني لهم فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي بعث إلى الناس عامة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل أنزل سورة الجن. وكذلك الجن قال يا قوم أجيبوا داعي الله، يعني أمر قومه أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند مثل عليهم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس مطالبون بدخول الإسلام، فالإسلام جاء ونسخ الأديان السابقة، وهذا اعتقاد ينبغي أن يكون عند المسلم أن الأديان الأخرى باطلة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذا المسلم عليه أن يجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يعني حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. Donc la dernière chose qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ces choses spécifiques à lui et à sa communauté, il nous dit que les prophètes avant lui étaient envoyés donc à leur peuple, et moi j'ai été envoyé à tous les gens. Car donc il n'y a pas après le prophète sallallahu alayhi wa sallam de prophète, donc c'est pour ça qu'il a été envoyé à tous les gens. Contrairement aux prophètes avant, il y avait un prophète et un autre prophète venait lui succéder. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il est le dernier prophète, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un message universel pour tout le monde, même donc pour les humains et pour les démons. Allah dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé que pour tout le monde en tant que bon annonciateur et avertisseur. Et il dit également قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ, dit aux gens إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et donc il faut que le musulman donc il ait cette croyance que après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde est invité donc à embrasser l'islam. Donc il est demandé à toute personne après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre sa religion, car donc c'est la religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé toutes les autres religions. Donc toutes les religions qui ont précédé ont été abrogées. Voilà, elles ont été abrogées. Donc il faut que le musulman il ait cette croyance là. Parce qu'il y a parfois des musulmans qui disent lakum dinukum waliyadin. C'est vrai, lakum dinukum waliyadin, mais ça ne veut pas dire que toutes les religions sont bonnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bu'ithtu ila kulli ahmar wa aswad. الأحمر أم العجم والأسود أم العرب. Donc il a été envoyé vers tout, vers les Arabes et vers les non-Arabes. Donc la religion musulmane est la religion donc qu'il faut suivre après la venue donc de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري يعني أمورا أخرى اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر وما ذكرت في هذا الحديث. ما ذكرنا أن مفهوم العدد يعني ضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلمات قليلة معاني كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لك إنما الأعمال بالنيات، يقول لك لا ضرر ولا ضرار، يقول لك الدين النصيحة، يقول لك لا تغضب. والعلماء رحمهم الله يستخرجون من جملة واحدة يعني عددا كبيرا من الفوائد. يعني حديث لا تغضب أحد العلماء يستخرج أكثر من 50 فائدة من كلمتين لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وكذلك ختم به النبيون فلم يذكر ذلك في الحديث. وكذلك مما اختصت به أمته يقول جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، رواه مسلم. هناك يعني أمور أخرى. Donc ensuite, il y a également donc certaines choses qui ne sont pas citées dans ce hadith et qui sont propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit "Utitu jawami al-kalim." Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce que l'on appelle jawami al-kalim. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à dire en peu de mots beaucoup de sens. Vous remarquerez que la majorité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que quelques mots. Par exemple, les hadiths que vous trouverez dans l'Arba'in Nawawiyya, parfois c'est des hadiths où il y a 2, 3 mots, 4 mots. Et que les savants, rahimahumullah, ils arrivent à tirer plein de leçons de ces quelques mots, de ces quelques phrases. Par exemple, le prophète il dit la tardab, le prophète il dit ad-dinu nasiha, etc., etc. C'est ce qu'on appelle jawami' al-kali, c'est-à-dire des paroles concises mais qui possèdent beaucoup de sens. Également il dit wa khutima bi an-nabiyyun, c'est-à-dire que le prophète sallam est le dernier des prophètes. Également il dit wa ju'ilat sufufuna ka sufufi al-mala'ika, c'est-à-dire que les rangs des musulmans pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus semblables aux rangs des anges parce qu'ils sont donc alignés. Donc ça c'est parmi les choses que l'on peut citer concernant donc les choses propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Alors, comme سؤال à التيمم. Il y a des questions sur le تيمم, on passe à autre chose. Non. Ce mur là? Là. Là, là, il faut que la chose soit tirée de la terre et qu'elle n'ait pas été mélangée. Il faut que ce soit une chose qui est sur la terre et qui est de la nature de la terre. Comme des pierres, comme du sable, comme de la terre, toutes ces choses-là. Les choses qui sont restées à l'état naturel. De l'herbe ? Là. Là, là, pas de l'herbe. Le tasbih, là. لا لا لا ما يمكن ما كانش تتيمم لا لا لا تيمم c'est les choses qui sont à la surface de la terre et qui sont de la nature de la terre, comme la terre, comme le sable, comme des pierres, etc., etc. La chose c'est clair, si la personne se trouve dans un endroit où il n'y a ni de l'eau ni ça, ça peut arriver. Par exemple dans un avion, il a dit la personne a fait tayammum avec le tasbih. Là, la personne, là, là, la haït, là. Le mur, oui, s'il est en terre, oui. Là, en béton, non. Le béton, c'est plein de choses mélangées. À ce moment-là, si la personne, elle a ni d'eau, ni de quoi faire tayammum, elle fait la prière, sans rien. Allah Azza wa Jal, fattakullah mastata'tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Celui qui ne possède aucun moyen de faire les ablutions. On ne va pas faire taïmoum avec n'importe quoi parce qu'il y a. Non. On frappe une seule fois dans le hadith. Non, on a vu ça dans le hadith Ammar ibn Yasir. On frappe une seule fois. Une seule fois, après on passe sur le visage et les mains. est-ce que par exemple, quand on est ici en France, est-ce qu'on peut faire le taïmoum là? Parmi les conditions pour faire taïmoum, là il faut qu'il y ait. Il y a deux cas où on peut faire taïmoum, ou bien plusieurs, mais les deux cas principaux, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'eau. Et le deuxième cas, c'est qu'il y ait de l'eau, mais qu'on craint, en utilisant de l'eau, un mal. Par exemple, la personne, elle est malade, ou bien elle est blessée. Elle a peur qu'en utilisant de l'eau, la guérison soit retardée, ou bien ça aggrave la maladie. Oui, mais par exemple, ici, en France, il y a certaines sociétés qui. C'est mal vu. Mais là, il faut faire les ablutions, non. Il n'y a pas de mal vu. Non, c'est pas. Là. Les musulmans, ouais. Faut qu'ils s'imposent. Ils font rien de mal. Les musulmans, il faut qu'ils soient fiers, au contraire de leur religion, il faut qu'ils imposent leur. Qu'est-ce qui fait le musulman de mal s'il va faire la prière, alors que les autres ils vont fumer ou bien des choses comme ça. Non. Hein? التيمم مثل الوضوء اخوان دقيقة نجاوب الأخ نعم لاش ما كانش الماء إلا ما كانش الماء إنسان أن يتيمم مرة ويصلي عدة صلوات مثل الوضوء تماما البدل له حكم المبدل فالأمور التي تنقض التيمم هي الأمور التي تنقض الوضوء زيادة على وجود الماء وزوال المانع نعم الحاج التيمم ماله لا إلى هنا الكف كان واحد الحديث حديث عبد الله بن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولكن ضعيف الحديث ضعيف من الحديث اللي ذكرنا في في في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث عمار بن ياسر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه الكف وهذا الوجه كتاب الحيض